Chapitre 342. L'interdiction de prier en direction des tombes. 1757. Abu Marthad Kannaz ibn al-Hussein, radiallahu anhu, rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Ne priez pas en direction des tombes et ne vous asseyez pas sur elles. » Muslim.